Dites-moi, Madame Jeanne, pouvez-vous me raconter quand vous étiez petite fille? Avec plaisir. Et qu'est-ce que vous dansiez à cette époque? La farandole. Et vous la dansez encore? Non. Et vous l'aimez toujours? Oui, ça oui. Je me regarde. Je suis une gamine finie. Toujours ensemble.